fracasse, comment serait notre avenir? La vie que m'y voyait ou t'y voulait éclire. Mon l'amour ou la trahit, mon cœur les bien meurtri. Si l'amour est compliqué, vaut mieux que nous on reste là. La confiance me la donne à ou jamais, fallait pas faire ça. Nous t'es dans un rêve éveillé, aujourd'hui un cauchemar. Il est trop tard pour nous espérer qu'un jour nous tirons sera lié.